T'es assez, t'es Ika. Aka, c'était la 15. Tu m'en prends pour qui? Et toi, tu m'en prends pour qui? Hey. Bébé, tu dis, je t'ai oublié depuis que je suis en bengue. Bébé, tu me rends dingue. Laisse-moi m'amuser, laisse-moi m'éclater. Tu me prends la tête, tu veux me faire ma fête. Chuo Akie, Minalmi Aka. Crois-tu que je serai là pour toi? Je suivrai tes pas. Tu me prends pour qui? Tu me prends la tête. Oh oui, tu m'embêtes. Laisse-moi respirer. Tu me prends pour qui? Tu me prends la tête. Oh oui, tu m'embêtes. Laisse-moi avancer. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu parles comme ça qui? Ça c'est la pure sorcellerie. Tu me dis que j'ai trouvé une femme. Donc c'est la vraie escroquerie. Plan réussi de ta vie, j'ai tout fait. Plombier, plongeant, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Ton père et ta mère qui m'aimaient. Aujourd'hui je comprends pourquoi il me hait. Le bim bang, tu me fais le manquement. Des selfies en boîte, c'est le manquement. Tu me gorges même ça, c'est le manquement. Bébé, vas-y hein, doucement. Paradis, c'est pas bang, franchement. Tu vas me rendre même mon argent. Mon amour au sien également. Je t'attends ici rapidement. Tu me prends pour qui? Tu me parles ainsi. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu perds la tête. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me parles ici. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu perds la tête. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Aki. Tu me prends pour qui? Minalmi Aka. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Si tu en bangs, c'est grâce à moi. Toi que j'ai gardé sous mon toit, c'est sur moi que tu viens lever la voix. Les cadeaux que je t'offrais, les bijoux que je t'achetais, tes parents que j'honorais, sans compter tes frères qui me bouffaient. Laisse-moi avancer, laisse-moi continuer, laisse-moi faire ma vie, je veux réussir. Laisse-moi avancer, laisse-moi continuer, laisse-moi faire ma vie, je veux.